Ouais, c'est comme si je n'existais pas en France, parce que moi, je suis allé à l'hôpital, je suis malade, quoi. Et puis, je suis dans la rue. Dans la France, c'est pas facile alors? Je peux dire que c'est pas facile parce que même étant chez moi, j'avais des problèmes avec ma famille. Mon papa, il était musulman. C'est pour ça, bon, j'ai préféré quitter mon pays parce que moi, je ne voulais pas pratiquer l'islam. Je faisais pas le ramadan. Et mon papa voulait me tuer, quoi. J'ai préféré fuir mon pays pour venir par ici en pensant que ça devait aller. Enfin, et je me retrouve toujours seul, quoi. C'est comme si je suis seul au monde. Je suis dépassé, quoi. C'est que c'est pas facile alors. Et tu n'as pas de parents ici en Europe, en France, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de parents au moins. Je suis le premier de ma famille de venir en Europe. Si je suis venu aussi en Europe, c'est parce que j'avais trop de problèmes avec la famille. Si je n'avais pas de problème avec ma famille, je devais rester chez nous. Mais maintenant, je suis dépassé, moi. Je ne sais pas, je suis allé à l'hôpital demander s'il y a le médicament de la mort. On m'a dit que ça n'existe pas, quoi. Et je sais pas, quoi. Moi, je suis dépassé vraiment. Le monde m'a montré que je n'ai pas place sur ce monde, quoi. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire. Je marche seulement. Je sais pas si quelqu'un pouvait me prêter même son âme, je me tue. Sinon, moi, je suis fatigué de cette vie, vraiment. Ouais, ça va aller, c'est le courage qui paye, c'est le courage, ça va aller, mais c'est le choc. Ouais, c'est pas facile, mais c'est le choc, quoi. Mais ça va aller, mais tu veux dire quoi pour tes frères aussi, quoi? Pour un conseil pour tes frères, au moins. Ben moi, je ne peux rien dire à mes frères, car ils sont courageux, ils ont le courage que moi, parce que moi, où je suis, je n'ai plus espoir, quoi. Sans vous mentir, je n'ai plus espoir. Je n'ai plus rien dans la tête. Donc tout ma part, c'est que ce qui m'attend, c'est la mort, quoi. Bah oui. Mais tu peux donner quel conseil à tes frères qui sont oubliés de venir ou de ne pas venir? Ben, c'est le cas, ça dépend. Il y a des gens qui ont les problèmes d'abord au pays avant de venir ici. Mais si tu n'as pas de problème chez toi, il faut rester chez toi. Parce que ici, c'est plus que l'enfer, quoi. Plus que l'enfer, vraiment. Ok, merci. Merci, merci, merci.